socialiste de développement, basée sur le marxisme-léninisme, est-elle conforme aux exigences nationales de la libéralisation économique et de la promotion du secteur privé dans notre pays? Deuxièmement, le principe selon lequel le parti dirige l'État est-il à même de garantir l'adhésion et la participation effective de toutes les Béninoises et de tous les Béninois, dont les sensibilités politiques, les convictions et les confessions ne s'identifient pas nécessairement à l'idéologie marxiste-léniniste? Troisièmement, les structures et les mécanismes de fonctionnement des organes de notre État sauvegardent-ils l'efficacité dans la conduite des affaires publiques? Quatrièmement, les dispositions constitutionnelles en vigueur dans notre pays sont-elles de nature à susciter l'esprit d'initiative et à stimuler la promotion harmonieuse et équilibrée du secteur privé? Et le tout sur fond de faillite bancaire, de surendettement du pays, de mauvais traitements imposés aux prisonniers politiques, de paralysie généralisée des services publics. Une situation qui suscite la désapprobation de l'Église elle-même et une permanente agitation sociale dont témoigne, au micro de RFI, le journaliste béninois Sylvain Sémilinck au lendemain du fameux communiqué.